sale. En saison à colorer, couler à la vie, Pucci sale. À d'un moment, tout ça a changé. Ça qui était nous, c'était différent, c'est clair. Alors, ou pas besoin de faire ton boulot. On dit que ta chimère pour nous aussi, ou manger paix en mer, Fabiola. Mais gardez chance, Timouna, car il y a une la vie, Fabiola. Les jalousies, c'est.